sur le site motorsport.fr. Vous le savez, je me réfère souvent à ce site internet pour discuter de ce qui se passe dans le monde de la Formule 1. C'est un site français qui est très bon et qui avec de bons journalistes. Alors, il y a quelques heures, ils ont tout simplement sorti qu'il y avait une alerte à la pollution qui a été déclenchée à Singapour à seulement quelques jours de la tenue du Grand Prix de Formule 1. Alors, je vais vous lire un petit peu l'article. C'est pas très très long. Ça dit « Les autorités locales et les organisateurs de la course surveillent la situation qui pourrait dégénérer au cours des jours qui viennent. Le pic de pollution pourrait même atteindre des niveaux néfastes pour la santé ce week-end. Ce nuage de pollution provient des énormes feux de forêt qui font rage en Indonésie. Un gigantesque nuage de poussière fine s'étend désormais sur la Malaisie et a atteint Singapour. Des médias locaux ont annoncé qu'à 17 h lundi, l'index de pollution durant une période de 24 heures variait entre 119 et 147, quand la zone néfaste pour la santé s'étire normalement entre 101 à 200. Donc, on voit déjà en partant que ça va pas super bien de ce côté-là. Et lundi, des hélicoptères malaisiens ont largué de l'eau sur les feux de forêt et ont dispersé des produits chimiques à haute altitude dans le but de provoquer la pluie. Le nuage de pollution a été si dense la semaine passée que les avions étaient interdits de vol. Les organisateurs du Grand Prix surveillent la situation et travaillent avec les autorités en place avant de prendre une décision commune à propos de la tenue de l'événement. La probabilité de la présence d'un nuage de pollution de cette sorte est un des risques potentiel prévu dans nos plans d'urgence, a déclaré un des organisateurs de l'événement du Grand Prix de Singapour. Alors, pour dire que la météo peut venir faire en sorte qu'un Grand Prix puisse être cancellé tout simplement comme ça, c'est quand même assez inquiétant, hein? On va pas se le cacher, mais de là à savoir, on est en fin de saison de Formule 1, est-ce qu'on va être en mesure, si jamais il arrive quoi que ce soit, de remettre le Grand Prix pour pouvoir le reprendre tout simplement? Est-ce que c'est une possibilité de ce côté-là? On va essayer de rester à l'affût. Qui sait, peut-être que demain matin, dans l'émission du matin, Assemblage requis, j'aurai une réponse pour vous. Mais d'ici là, pour le moment, on reste toujours à l'affût des informations, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Et toujours du côté de la Formule 1, eh bien, je vous l'avais déjà dit, on en a discuté à quelques reprises avec certaines personnes, l'image des pilotes de Formule 1, mais il y a aussi il y a encore, en fait, Lewis Hamilton qui fait beaucoup parler de lui, à savoir qu'est-ce qui se passe avec lui de son côté, de son image, non seulement son image, mais son attitude aussi. Il y a quelques jours, le 7 septembre, eh bien, Bernie Ecclestone, le cher président de la Formule 1, a tout simplement déclaré que peut-être Lewis Hamilton était en train de se plonger trop loin dans sa décadence, disons-le comme ça. Il est peut-être un petit peu trop extravagant aux yeux de Bernie Ecclestone. Alors, est-ce qu'on va être capable de tout simplement ralentir Lewis Hamilton, le garder sur terre? On a vu plusieurs vidéos, plusieurs photos, entre autres sur son Instagram, sur les médias sociaux de Lewis Hamilton, à savoir qu'est-ce qu'il fait de sa vie. Je dirais que le plus gros de l'histoire est arrivé lorsqu'il était en vacances, tout simplement, lorsque la Formule 1 était dans son temps mort de l'été. Alors, on l'a vu à la Barbade, fumer, danser, boire, sans même attendre de suite. Alors, selon Bernie Ecclestone, on devrait peut-être ramener le pilote de course sur Terre, à savoir où sont les limites, jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Et on se souvient, j'en avais discuté avec un journaliste français qui lui disait que Lewis Hamilton, en fait, était tout simplement totalement différent de son jeune temps. Il avait une tête sur les épaules avant et depuis qu'il gagne course après course, eh bien, ça va de moins en moins bien du côté attitude et du côté image pour Lewis Hamilton. Je vous avais déjà posé la question jusqu'où les pilotes de course et les athlètes en général peuvent se permettre de pousser leur image. Et je crois que je vais encore vous poser la question. Vous pouvez encore une fois partager vos réponses sur les médias sociaux avec le hashtag de l'émission. Malgré le fait que c'est la dernière émission, j'aurai un grand plaisir à lire vos opinions. Alors, si jamais vous voulez tout simplement discuter avec nous de ce sujet, hashtag en piste avec Tania, avec un grec Baudin, et dites-nous ce que vous en pensez. Je retracerai vos opinions sur le sujet. Sinon, encore sur la page Cifou 89.1 FM, vous pouvez aussi émettre vos opinions avec le hashtag. J'ai bien hâte de voir vos opinions, à savoir jusqu'où est-ce que les athlètes professionnels, disons-le comme ça, peuvent pousser leur image et aussi l'image de leur entourage. Non seulement Lewis Hamilton est fait de lui peut-être un fou aux yeux de Bernie Ecclestone, mais vient ensuite l'image de la famille. Veut, veut pas, si jamais il arrive quoi que ce soit avec Lewis Hamilton et qu'il dépasse la limite de sa propre image, eh bien tout le monde sait, son père est très, très lié avec le monde de la Formule 1 aussi. Est-ce que ça va venir jouer dans les cartes? C'est quelque chose qui reste à voir. Et en fait, au retour, on va discuter de quoi est-ce qu'on... Est-ce qu'on doit garder un œil quand on achète une nouvelle voiture, mais chez le concessionnaire? Un petit peu plus tôt cette saison, on avait discuté de ce qu'on doit vérifier sur une voiture usagée. Eh bien là, qu'est-ce qu'on doit garder à l'affût lorsqu'on achète une voiture tout simplement neuve chez le concessionnaire? Au retour au 89 FM. Vous êtes assez fou. 89.1. Vous étudiez à l'Université du Québec à Trois-Rivières à la prochaine session? Vous êtes présentement à la recherche d'un logement pas très loin et près des différents services? Eh bien, Habitation Populaire du Québec offre des logements abordables qui conviennent à la réalité des étudiants. Près de vos besoins, contactez-les dès maintenant au 819-374-2586. Ils auront la solution à vos recherches. Habitation Populaire, 1160 Terrasse Turcotte, Trois-Rivières. Au 819-374-2586. Samedi le 19 septembre prochain, votre café-bar Le Zénob accueille en ses murs le trio Néligan. Pour une soirée jazz de grande qualité, soyez au Zénob ce samedi 19 septembre 21h30 pour le trio Néligan. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Ouais, c'est ça, cet été, du punk, du ska, de la hoï et plus encore. C'est tous les samedis avec Skrillpunka de 15h à 17h et les bonnets rouges de 17h à 18h. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Et vous êtes toujours à l'antenne du 89.1 FM. Vous écoutez En piste avec Tania Beaudin. C'est la dernière de la saison régulière, je le répète. Ça me fait un petit pincement au cœur quasiment de savoir que c'est la dernière de sa durée régulière. Eh bien oui, pour ceux qui viennent tout juste de nous attraper en ondes au 89.1 FM, c'est la dernière de En piste avec Tania Beaudin pour la saison de l'été. Par la suite, ça devient une chronique dans l'émission du matin que je co-anime avec Mathieu Plante. Alors chaque... peut-être pas chaque matin, on discutera peut-être pas de voiture à chaque matin parce que je sens que Mathieu aura peut-être pas la tête à ça et c'est peut-être pas le domaine qu'il aime particulièrement, mais au minimum une fois par semaine, je tenterai de vous discuter encore du monde de la course automobile et aussi des voitures au Québec. Et sans plus tarder, en discutant de voitures au Québec, on se rappelle un peu plus tôt durant l'été, j'avais discuté de... Qu'est-ce que l'on doit garder à l'œil lorsqu'on magasine un véhicule usagé, tout simplement? C'était beaucoup mécanique, à savoir des choses que l'on doit vérifier sur le véhicule même. Mais là, contrairement à la voiture usagée, je vous parle de la nouvelle voiture que l'on achète en temps normal au concessionnaire. Pour la plupart qui nous écoutent, soit qu'on se magasine une nouvelle voiture ou tout simplement, on est curieux, on veut savoir. Moi-même, ayant travaillé quand même... quelques temps dans le monde de l'automobile, que ce soit en vente ou en location, il vient une panoplie de questions des clients et parfois, on essaie du mieux qu'on peut de répondre sans peut-être pouvoir avoir justement la marge de manœuvre à dire ce que l'on voudrait vraiment dire aux clients par rapport à ce qu'on peut faire et par rapport à ce qu'on peut vous accorder. Mais j'ai décelé pour vous quelques petits conseils, disons-le comme ça, que vous faites toujours garder à l'affût lorsque vous rentrez chez un concessionnaire et que vous magasinez une nouvelle voiture. Alors, le premier point, en fait, c'est l'attitude que vous avez. Et là, je dis pas celle du vendeur, mais je dis bien celle que vous avez. Souvent, les clients vont rentrer chez un concessionnaire automobile avec l'idée automatiquement, excusez-moi le bon français, mais qu'ils vont se faire fourrer. Donc, ils vont se faire avoir de la part du concessionnaire et du vendeur, que le vendeur va tout simplement leur vendre la voiture beaucoup plus cher que ce qu'ils pourraient déjà avoir. Mais l'attitude que vous avez envers votre vendeur et votre concessionnaire joue pour beaucoup. Le vendeur que vous avez devant vous est un être humain bien normal. Alors, la plupart du temps, s'il désire faire affaire avec vous et que vous désirez faire affaire avec ce vendeur-là, une attitude qui est bonne, une bonne humeur, va toujours avoir un bon côté positif pour vous et votre achat. Donc, gardez ça en tête. Votre attitude est bonne. Rentrez pas chez le concessionnaire en se disant automatiquement « Ouais, bon, je vais me mettre un airbag d'en face. » Fait que comme ça, il n'y aura pas le choix de me le faire pas mal moins cher que ce qui est écrit partout ailleurs. C'est pas vrai. Votre attitude va vraiment jouer pour beaucoup et automatiquement celle du vendeur aussi parce que c'est une entente de confiance que vous faites avec votre vendeur. Alors, votre attitude compte pour beaucoup. Le deuxième point, c'est tout simplement de vous renseigner sur le prix d'abord. J'espère que pour la plupart d'entre vous qui allez magasiner un véhicule, si jamais vous avez une idée de modèle, une idée de marque, vous avez déjà fait vos recherches, alors renseignez-vous sur le prix, non seulement celui qui est indiqué chez le marchand détaillant, c'est-à-dire le concessionnaire direct, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec ou encore ici à Trois-Rivières, c'est sûr que d'un concessionnaire à l'autre, le prix peut varier. Par contre, renseignez-vous toujours sur le prix que le marchand, exemple Hyundai, je dis ça comme ça, là, mais mettons que vous voulez acheter une Hyundai, eh bien, allez directement sur le site de Hyundai Canada, non pas sur le site de Hyundai Shibugamo ou Hyundai Chambly ou peu importe. Allez directement sur le prix de Hyundai Canada, ça va déjà vous donner une idée à savoir quel est le prix que vous faites justement barguiner. Et c'est là qu'on arrive au troisième point qui est la marge de profit du concessionnaire. Oh mon Dieu! Combien de fois, en tant que vendeur de voiture ou en tant que... tout simplement en tant que vendeur de voiture, oui, disons-le comme ça, conseiller aux ventes chez un concessionnaire, on entend que la marge de profit du concessionnaire est donc haute et qu'on peut donc faire des rabais sur tout ce qu'on veut. C'est pas vrai. Je tiens à vous dire, oui, les concessionnaires en temps normal ont une marge quand même de profit qui est raisonnable par rapport au prix qui est montré par les marques directes, donc les fournisseurs de voitures. Si jamais vous achetez une Honda, évidemment, le prix est donné par Honda et par la suite, le concessionnaire a une marge. Oui. Par contre, rendez-vous compte que vous achetez une nouvelle voiture. Une voiture en temps normal qui va venir équipée, qui va pas venir d'une année 1992. C'est une nouvelle voiture de l'année que vous achetez. Donc, la marge de profit du concessionnaire est pas aussi grande que la plupart du temps vous pouvez vous imaginer. Sortez-vous ça directement de la tête, mais pour vous donner une idée, en temps normal, un bon 3 à 5 % de marge de profit, c'est ce que vous avez pour dealer, disons-le comme ça, le prix de votre voiture si jamais vous ne voulez pas d'autre chose. Là, gardez toujours en tête que s'acheter une nouvelle voiture, c'est pas s'acheter des bonbons au dépanneur. C'est quelque chose de nouveau, c'est un prix, c'est la plupart du temps quelque chose qu'on doit passer longtemps avant de faire. Alors, gardez toujours en tête que non seulement vous achetez quelque chose, mais le vendeur qui vous le vend a aussi quelque chose à prendre sur ça s'il veut gagner sa vie. Je vous dis pas que la marge de profit de 15 à 20 % c'est possible. Peut-être que dans certains concessionnaires, c'est quelque chose qui se voit, mais oui, la marge de profit est... vous faites quand même la dealer avec le vendeur qui est devant vous. Par la suite, les nouveaux modèles versus ce qui reste en stock. Là, vous êtes comme, ouais, mais moi, je veux une 2015, pas une 2016. Oui, mais gardez toujours en tête que les nouveaux modèles vont arriver et que le vieux stock, ce qu'on appelle vieux, là, en fait, fin de liquidation, là, mettons, là, fin d'année. Exemple, ici, on est en 2015, en décembre, on va arriver quasiment vers les nouveaux... pas en 2016, pas en décembre, mais quasiment vers octobre, novembre, on va commencer à avoir les nouveaux modèles 2016 qui arrivent. C'est quasiment le meilleur moment pour vous acheter une nouvelle voiture et c'est au moment que, justement, les nouveaux modèles sortent. Gardez en tête que s'il reste beaucoup de modèles 2015 de l'année dernière et que les nouveaux modèles vont arriver en concessionnaire, eh bien, il doit y avoir une roue de continuation et... un cercle, disons-le comme ça, de roulement qui doit se faire à l'intérieur du concessionnaire. Donc, c'est un des meilleurs moments pour magasiner une voiture. C'est lorsque les nouveaux modèles arrivent et que les vieux stocks tombent en liquidation. Là, je sens déjà les madames dire « Ben oui, c'est comme s'acheter des nouveaux pantalons. » Pareil. Pareil, c'est quasiment la même chose. Aussi, prenez en considération les options du véhicule. Je vous disais tout à l'heure que la marge de profit du concessionnaire est pour quelque chose, mais les options du véhicule aussi. Si jamais vous voulez avoir un rabais sur le véhicule, prenez en considération que vous faites toujours barguiner les options du véhicule. Si jamais vous voulez des tapis à l'intérieur du véhicule, ça se barguine. Si jamais vous voulez, je sais pas moi, des housses de banc dans le véhicule pour que ce soit soit conducteur ou soit passager, ça se fait. Si vous voulez des pneus, ça se fait aussi. Donc, gardez toujours en tête que votre marge de profit va différer de ce que vous demandez au vendeur et surtout le prix. Alors, c'est quelque chose qu'on va toujours prendre en considération. Gardez-le en tête. Par la suite, il y a l'offre et la demande des modèles. Évidemment, si un modèle n'est pas beaucoup voulu, là, je ne dis pas de faire votre choix en fonction des autres et ce que les autres veulent, évidemment. Mais par contre, ça va jouer quelque chose sur le prix du modèle du véhicule. Donc, si, exemple, tout le monde veut le nouveau modèle super équipé, tout le monde se garoche dessus, il n'en reste pas beaucoup, évidemment, le concessionnaire va probablement avoir une marge de profit plus élevée sur celui-là que sur le modèle qui est beaucoup moins vendu, mais qui veut se débarrasser. S'il reste là le modèle en fin d'année, ça ne va pas très bien pour eux. Alors, gardez en tête que les modèles qui sont peut-être moins regardés, selon les options que vous recherchez, parfois, l'offre et la demande et l'achat est un grand compromis. Alors, gardez en tête surtout l'offre et la demande des modèles. Tout à l'heure, je parlais des options, les extras, les pneus, les tapis, les changements d'huile aussi. Ici, chez Kia Trois-Rivières, à Trois-Rivières et tout ce qui est le prix du gros, eh bien, on vous offre la plupart du temps à l'achat d'un véhicule neuf, les changements d'huile. C'est quelque chose que vous devez prendre en considération lorsque vous achetez un nouveau véhicule. Évidemment, on vous l'offre, mais si jamais c'est pas un fer chez un certain concessionnaire que vous désirez le modèle ou la marque, c'est quelque chose que vous pouvez barguiner. Encore une fois, les émotions. Eh bien oui, gardez à l'œil vos émotions. Tout à l'heure, je parlais de l'attitude, mais ça vient encore une fois se rejoindre les émotions hésitantes versus être heureux. Là, l'attitude, tout à l'heure, c'est quand vous rentriez directement chez le concessionnaire, avant même de parler à votre vendeur, que vous vous disiez « Ah, oh, je vais me faire avoir, je vais me faire avoir. » Mais là, les émotions, c'est beaucoup plus quand vous êtes rendu dans la négociation. Du moment que vous êtes assis au bureau du vendeur et que vous discutez de certains prix, de certaines options, montrez-vous pas trop heureux tout de suite. Si jamais vous vous montrez trop heureux tout de suite, le vendeur, qui en temps normal reçoit des cours à vous déceler assez facilement, va remarquer que vous êtes très content du prix qu'il est en train de vous faire et aura même pas l'occasion, mais en fait, vous aurez même pas le temps de demander pour une deuxième offre parce que vous semblez déjà trop heureux à la première offre qui vous montre. Alors, de ce côté-là, restez toujours un petit peu hésitant à savoir ce que le vendeur et ce que le concessionnaire peut faire pour vous. Gardez en tête que vous êtes le client. La plupart du temps, le client a toujours raison. Jusqu'à une certaine limite, là, c'est toujours un véhicule dont on parle. Mais gardez en tête que vous avez toujours une marge d'hésitation, une marge de... C'est pas de la manipulation, hein, on le tient à le dire, mais c'est quand même quelque chose qui va vous rester longtemps. C'est une voiture, c'est comme acheter une nouvelle maison. Vous devez prendre en considération beaucoup de choses. Surtout, un des autres points, c'est de ne pas céder à la pression du vendeur. Exemple, un vendeur, il est 9h moins quart. Les concessionnaires, la plupart du temps, vont fermer à 9h, mais là, il est 9h moins quart. Vous vous dites, moi, je veux simplement aller voir les véhicules. Certains vendeurs, vers 9h moins quart, n'ont pas rentré dans leur chiffre d'affaires de la journée. Donc, évidemment, si vous rentrez à 9h moins quart et que vous commencez à regarder les véhicules, ça se peut que vous fasse talonner pour que la vente se fasse le plus rapidement. Mais gardez en tête, en tant qu'acheteur, vous ne devez pas céder à la pression du vendeur. Si jamais vous n'êtes pas certain de vous, vous le dites tout simplement. Je vais y penser, je vais revenir. Ça ne veut pas dire que vous allez voir 120 autres concessionnaires, mais ça veut simplement dire que vous n'allez pas faire un achat sur un coup de tête en 15 minutes pour que le vendeur devant vous puisse arriver au chiffre d'affaires dont il s'était lancé en début de journée. Donc, on garde ça en tête, ne jamais céder à la pression du vendeur. Et aussi, le temps pour acheter. Tout à l'heure, je vous parlais nouveau modèle, nouveau stock. Eh bien oui, à l'automne, c'est le temps où un des meilleurs temps pour aller se magasiner une nouvelle voiture chez un concessionnaire parce que justement, les nouveaux modèles sortent, les vieux stocks commencent à être en liquidation. Ici, cette fin de semaine, il va y avoir une grosse vente Nissan, Volvo et si je me souviens bien, c'est Kia. C'est le prix du gros, donc à Trois-Rivières, sous un gros chapiteau, il va y avoir de grandes ventes liquidation sur des modèles 2015. On le tient à le dire, c'est pas des modèles 2002 ou quoi que ce soit, c'est encore des modèles 2015. Et là, les 2016 vont commencer à faire leur entrée, alors c'est le temps d'aller voir les voitures que vous auriez peut-être aimé avoir cette année. Aussi, la fin de la journée, mais là, comme je vous dis, cédez pas à la pression du vendeur. Gardez en tête que c'est toujours vous qui avez le dernier mot et c'est toujours vous qui avez aussi vos besoins, tout simplement, si le prix fait pas, si les exigences que le vendeur vous offre ne font pas, eh bien, en fin de journée, vous faites tout simplement quitter. Mais la plupart du temps, c'est un bon temps aussi pour commencer à bargainer. Là, je dis pas 15 minutes avant la fermeture du concessionnaire, mais je vous parle, exemple, vers 7h, 8h le soir, quand vous avez quand même un bon temps pour faire un bon essai routier, pour discuter quand même assez longtemps avec votre vendeur et savoir, garder en tête, ça ne veut pas dire qu'il a fait son chiffre d'affaires de la journée. Alors, quand même, la fin de journée, c'est un couteau à deux tranchants. Arrivez pas trop tard, mais si vous arrivez dans un temps qui est sensiblement raisonnable, eh bien, c'est vous qui allez avoir le dernier mot et la plupart du temps, vous allez repartir du concessionnaire plutôt heureux. Et aussi, le dernier point, c'est la fin du mois. Tout simplement, lorsqu'on arrive à la fin du mois, la plupart du temps, les gens vont se dire « Ouais, mais là, la fin du mois, c'est un début d'un nouveau mois. » Oui, mais pour un concessionnaire, ça veut dire « Est-ce qu'on est arrivé aux chiffres qu'on s'était donné en début de mois? Est-ce qu'on a fait le nombre de ventes qu'on était censé avoir d'ici cette date? » Et c'est là que vous rentrez en ligne de compte en tant qu'acheteur. C'est le moment bénéfique pour vous, c'est d'aller en fin de mois voir les nouvelles liquidations parce qu'évidemment, les concessionnaires vont commencer à liquider les modèles qui n'ont pas pu liquider au cours du mois parce qu'eux voulaient faire des ventes. Et c'est là que vous allez pouvoir être d'assaut et vous dire que vous allez pouvoir acheter un véhicule quand même sensiblement, pas rapidement, mais disons à vos meilleurs moyens. Et c'était déjà le dernier point de ce qui concluait qu'est-ce que l'on doit garder en tête lorsqu'on achète une nouvelle voiture au concessionnaire et comment la magasiner, évidemment. Donc, je vous disais que j'avais travaillé dans le monde de l'automobile quelques années et ce sont tous des choses que l'on remarque assez facilement lorsqu'on est conseiller aux ventes dans un concessionnaire, mais gardez toujours en tête, le client a toujours raison. Alors, sans plus attendre, en fait, on va aller écouter Destroyer avec la pièce Dream Lover. Et au retour, on va discuter, ben oui, pourquoi pas, encore une fois, de karting. Alors, vous écoutez En piste avec Tania Baudin au 89.1 FM. City, lovers on the run, lovers on the run. Haunted starlight gets in your eyes, grabs hold of us and turns us around. All the signs say you're in for surprise. All the signs are saying this way to town. All the signs are saying this way. Mm-hmm. in bed. You're sick in the head. You'd love a dog to play dead. You'd love a dog to play dead. Shit, here comes the sun. Oh shit, here comes the sun. Look, here comes the sun. And now here comes the sun. Let us on the run. And love is on the run. C'était Destroyer avec la pièce Dream Lover qui se retrouve au palmarès C'est fou 89.1 FM. Et il y a quelques temps, on a appris où allait se passer le championnat du monde de karting 2015. Eh bien oui, en 2012, on avait eu le championnat du monde encore une fois à la même place, donc deux fois quand même collé dans les années, c'est quand même bien. C'est un événement qui regroupe plus de 300 pilotes, plus de 50 pays. Ça se déroule du 8 novembre au 14 novembre 2015 et ce sera sur le circuit, excusez-moi mon portugais, je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais c'est sur le circuit de Portimão au Portugal que tout ça va se passer. Et j'ai posé la question en fait à Cody Schindel, qui est le journaliste de Canadian Karting News, à savoir, est-ce qu'il était content d'y retourner, parce qu'évidemment en tant que grand média au Canada qui couvre tous les événements de karting au travers du Canada, mais aussi des États-Unis. Il se voit pas dans l'obligation de suivre l'équipe Canada, mais évidemment, il suit l'équipe Canada. Et il était très content parce qu'en 2012, en fait, sur cette piste-là, c'est là où le Canada a eu le plus de succès au championnat du monde, notamment Ben Cooper qui avait gagné en DD2, Scott Campbell qui avait terminé en deuxième position dans la catégorie DD2 Masters, et la meilleure remontée de tout le week-end avait été faite par Parker Thompson qui coursait à ce moment-là en Rotax Junior. Alors Cody Schindel qui se dit très content d'y retourner parce que c'est une très belle piste, très belle location et tout ce qui est autour est merveilleux. J'ai aussi posé la question à savoir, parce qu'il y a quelques années, en fait quelques années, il y a un bon longtemps que ça, le championnat du monde avait été ici au Canada sur la piste d'Essera et je lui ai demandé, est-ce que tu crois que dans quelques années on pourrait tout simplement revoir le championnat du monde, revenir ici au Canada, et quelle serait la piste ici même au Canada qui pourrait en fait héberger le championnat du monde, parce que ça fait quand même beaucoup de gens, beaucoup de pays et évidemment beaucoup de cartes à une même place pour un week-end. En fait, c'est quasiment échelonné sur deux semaines maintenant. Mais il dit oui, en fait, ça pourrait être possible, mais ce qui est très difficile, c'est la température, puisque le championnat du monde, justement, se déroule en novembre. Donc ici, on a le froid, on a l'automne, on a quasiment le début de l'hiver qui arrive. Il dit par contre, pour ce qui est de la piste même, Mont-Tremblant serait une des meilleures places où que l'on pourrait faire un championnat du monde. Aussi, il croit qu'avec toutes les nouvelles rénovations qui ont été faites au circuit de Mosport, eh bien, Mosport pourrait être une des pistes qui serait à considérer aussi. Et un petit peu plus dans l'ouest, le Greg Moore Raceway à Chilliwack, en Colombie-Britannique, pourrait être une des pistes qui serait très belle à recevoir un des championnats du monde. Par contre, Cody Schindel croit que la piste aurait besoin de beaucoup de travail. Donc, de ce côté-là, peut-être que ça serait plus compliqué d'aller dans l'Ouest. Mais il dit que oui, c'est une possibilité, en fait, de revenir au Canada. Mais selon lui, le championnat du monde devrait rester du côté de l'Europe et du côté de l'Australie, parce que ce sont les meilleures places et les plus belles pistes pour voir certains pilotes à l'œuvre. Et parlant de pilotes, eh bien, au téléphone avec moi, j'ai Samuel Lupien, pilote dans la catégorie Rotax Junior. Samuel, ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, merci. Samuel, tu as réussi à avoir une passe pour le championnat du monde mondial de karting grâce à ta première position au championnat du Canada cette année. C'est pas ta première fois au championnat mondial. Par contre, raconte-moi comment ça s'est passé du championnat canadien de ton côté. Au championnat du Canada cette année, ça a vraiment été une année exceptionnelle. Parce que depuis le début de l'année, j'ai réussi à gagner beaucoup de courses. Mm-hmm. Fait que quand je suis arrivé au championnat canadien, ben c'est sûr que j'étais plus confiant. Puis j'ai eu une bonne lutte quand même avec Nathaniel Quentin. Oui. Mais c'est ça, mais aussi j'ai réussi à avoir un peu l'avantage dans la course. Et on a fait beaucoup d'échanges, moi et lui. Mais j'ai réussi au dernier tour, avant le dernier tour, j'ai dépassé, puis que j'ai réussi à faire le dernier tour en première position. Puis quand j'ai vraiment la position au dernier tour, c'est quand même, c'est pas facile, mais c'est plus facile de rester premier pour le reste de la course. Mais il a réussi à me dépasser, mais il a continué dans un coin, puis qu'il a manqué son coin. Fait que j'ai réussi quand même à gagner le championnat canadien. Fait que c'était bon, puis moi, je suis vraiment surpris, là. Ben oui, on se souvient, la bataille était quand même très, très, très enlevante du côté de Mosport, parce que vous nous avez gardé en haleine pendant un bon moment, toi et Nathaniel, justement, à s'échanger position après position. Mais Samuel, tu vas t'envoler pour le Portugal au courant des prochains mois. Est-ce que ton temps de pratique va augmenter d'ici quelques temps, justement, en prévision du championnat du monde? Ben, c'est sûr qu'il faut que je commence à plus m'entraîner pour être prêt pour le championnat du monde. Avec tous les Européens, eux autres, ils courent en année longue puis qu'ils ont beaucoup de talent. Mais d'après moi, il faudrait que je me pratique un peu. Je commence à rouler quand même souvent. Je roule pas mal à chaque fin de semaine. Fait que je suis quand même confiant. Eh bien, justement, tu parles des Européens qui, eux, courent à l'année longue. Est-ce que, malgré le fait que les Canadiens ont réussi à démontrer le contraire, mais selon toi, ton opinion, est-ce que vous êtes un peu désavantagé lorsque vous arrivez au championnat du monde parce que, justement, ici, au Québec, vous roulez pas à l'année longue? Ben oui, puis non, parce qu'on peut quand même rouler à l'année longue, puisque comme moi, l'hiver, je vais en Floride faire le Florida Winter Tour. Mm-hmm. Alors, je roule quand même un peu. C'est sûr qu'on a un petit désavantage, puisqu'il n'y a pas de course octobre-novembre. Malgré qu'il y a une course en octobre cette année à Las Vegas qu'on va peut-être faire, on sait pas encore. Fait que si on roulerait, ce serait le 31 octobre. Fait qu'au moins, ça nous avantagerait de rouler juste un peu avant le championnat du monde. C'est sûr qu'on a un petit peu un désavantage, parce qu'on roule pas vraiment avant le championnat du monde, mais on peut quand même avoir une bonne chance. Mais là, Samuel, pour situer les auditeurs, justement, aux alentours de ce que toi, tu vis, quel âge est-ce que tu as exactement? Moi, j'ai 15 ans. Mais là, tu as 15 ans, tu voyages beaucoup pour le sport que tu fais. C'est comment de jongler, justement, avec le sport qu'est la course automobile et les études? Bien, c'est sûr qu'à l'école, il faut qu'on parle avec les professeurs parce que c'est pas facile. Mm-hmm. On part quasiment chaque mois de l'année pour aller faire des courses. Fait que on a des réunions avec les professeurs au début de l'année qui disent qu'on va être absent beaucoup. Fait que faut beaucoup de choses de récupération et tout. Parce que là, pour placer les gens, c'est pas comme un sport-études hockey, mettons. Le sport-études course automobile, ça existe pas. Donc, est-ce que c'est un petit peu plus compliqué? Est-ce que vous devez continuer à faire vos travaux lorsque vous êtes sur la route pour vous rendre à un événement, par exemple? Ça dépend pour qui. Comme moi, je demande à mes profs, je fais tout quand je reviens. OK. Fait que je demande à mes profs si c'est correct quand je vais revenir, je vais tout. Fait que quand je reviens, je vais en récupération pendant le dîner, des choses de même. C'est quand même beaucoup de travail et il reste aussi beaucoup de travail à faire. Il reste quelques courses ici au Québec, comme tu le disais. Il y a surtout la dernière manche du ECKC, le championnat de l'Est du Canada, cette fin de semaine à Mont-Tremblant. Dis-moi, comment ça se passe du côté de ce championnat-là pour toi présentement? Ben, ce championnat-là, vu que j'ai réussi à avoir ma passe pour le championnat du monde au Canadien, je suis moins stressé que je posais de l'être vu que j'ai déjà ma passe, mais je suis premier au championnat du Nord du Canada, fait que faut quand même que moi je veux quand même gagner le championnat, fait qu'il faut quand même que je prenne ça au sérieux là. Et Samuel, en terminant, dis-moi, est-ce que tu es rendu au point du sport où avant une grosse compétition comme, exemple, le championnat du monde, le championnat du Canada, tu parlais de Las Vegas tout à l'heure qui a quand même beaucoup de pilotes, est-ce que tu as un petit rituel de préparation, est-ce que tu t'entraînes, est-ce que tu fais attention à ce que tu manges, comment ça se passe pour toi avant une compétition? Mais avant que j'aille une compétition, c'est sûr que je m'entraîne un petit peu, puis... Je me prépare pour la course qui s'en vient. Mm-hmm. Manger, c'est un peu comme normalement. OK. Mais c'est plus l'entraînement pour être préparé pour la course. Eh bien, Samuel, on te souhaite la meilleure des chances parce que, comme tu l'as dit, tu es quand même premier au classement du championnat pour le championnat de l'Est du Canada. Donc, cette fin de semaine, du côté de Mont-Tremblant, tu vas défendre cette première position-là. On te souhaite la meilleure des chances pour ce championnat et aussi pour le championnat du monde en novembre. Merci beaucoup. Et comme le disait Samuel, c'est quand même assez compliqué de jongler avec l'école dans le monde du sport automobile. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent de la bouche des pilotes de course, peu importe leur âge. Lorsqu'on commence en karting, c'est quelque chose dont on doit penser. C'est quelque chose dont on doit jongler aussi en famille avec les parents. Mais les deux frères Lupien, en fait, Samuel et son frère Cédric, arrivent quand même très bien à jongler avec tout ça. Et au retour, on va tout simplement parler avec la nouvelle journaliste de Pole Position, Eliane Gilin. Mais tout d'abord, on va aller écouter la pièce musicale Notework de Apache. Le vidéo clip vient tout juste de sortir. Il est partout sur Facebook. Alors, si jamais vous voulez voir, Apache sur sa page Facebook avec la pièce Notework. Skin color Dead Queen. Looking like she put her booty through a guillotine. Oh, now she looking at me like I really mean. I'm just here to color my scene of y'all crazy. Twerking that ass like a rookie stripper. On the dance floor looking for someone to tip her. Then she wait till all the friends get to taking pictures. Then she bringing that home trying to pick up her to Instagram. No twerk part two. We done told you we don't wanna see nothing from you. Get the fuck out. We'll be right back. 19, skin color Dairy Queen. Looking like she put her booty through a guillotine. Oh, now she looking at me like I'm really mean. I'm just here to call her mine, seen them y'all crazy. Twerking that ass like a rookie stripper. On the dance floor looking for someone to tip her. Then she wait till all the friends get to taking pictures. Then she bringing that home, trying to pick a filter Instagram. No twerk part two, we done told you we don't wanna see nothing from you. Get the fuck out! Et c'était Apache avec sa nouvelle pièce « No Twerk ». Au téléphone avec moi, Iliane Gilin du magazine Pôle Position. Iliane, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi, Tania? Oui, merci. Iliane, en fait, je voulais justement discuter un petit peu avec toi. Ça fait des années qu'on peut te voir sur les différents circuits du Québec. D'où t'es venue cette passion pour la course automobile? Ben oui, justement... Je suis là depuis que je suis née, c'est le cas de le dire, parce que ma mère est enceinte de moi que j'étais aux 24 heures du Mans dans son ventre. Alors, on peut dire que c'est dans mon sang. Mais mon père, en fait, fait de la Formule 16 temps. Il en a fait quand j'étais toute petite, il a arrêté. Il a été gérant de pilotes, Claude Bourbonnais, notamment Frédéric Martel, qui a aussi fait de la Formule 16 temps. Alors, je veux pas, depuis que je suis petite, j'ai toujours été sur les circuits de course. Toutes les photographes, tous les gens, les journalistes me connaissent parce que j'étais tout le temps avec mon père. J'étais comme la mascotte, si on veut. Et étant une des rares femmes dans le monde de fou qu'est la course automobile, on le sait un petit peu, là, dis-moi, est-ce que c'est important pour toi de faire valoir la place des femmes et leur rôle dans ce sport-là? Écoute, oui, je trouve ça super important. Par contre, je pense que cette étape est déjà pas mal bien enclenchée. Il y a beaucoup de femmes dans le monde de la course automobile. Mm-hmm. En ce moment, je pense notamment à pas nécessairement au Québec, mais il y a Sarah Fisher qui a fait l'IndyCar du NASCAR, puis maintenant qui est une propriétaire d'une écurie de IndyCar. Ça fait longtemps qu'elle est là. Il y a Suzy Wolf qui a fait du DTM, mais qui est aussi maintenant dans l'écurie Williams en F1. Danica Patrick. Il y a beaucoup de femmes qui ont déjà comme fait l'étape de vouloir s'introniser dans ce monde-là. Maintenant, nous, on a, si on veut, la porte est ouverte pour nous à notre âge. Je trouve ça plus facile que si on avait été il y a 20 ans, disons. Bien, tout à fait. Et Iliane, tu as justement un nouveau poste. À la dernière émission, on avait discuté avec Philippe Brassard de Pôle Position, mais maintenant, tu fais partie de l'équipe Pôle Position. Dis-moi, quel est ton rôle exactement? Oui, bien en fait, je suis apprentie journaliste ou journaliste si on veut. Donc, je vais écrire tous les articles ou presque tout en fait, parce que tous les articles, ce serait un peu impossible, mais plusieurs articles qui paraissent sur le web, mais aussi je vais aussi écrire des articles qui vont paraître dans le magazine papier, dans la revue papier. Mm-hmm. Puis donc dans le fond, je vais écrire un peu partout sur toutes les plateformes de Pôle Position. Puis, évidemment, il va falloir que je me promène de piste en piste. Puis, je peux même m'improviser photographe si on me je veux prendre des photos. Mais on t'a aussi vu un peu partout sur les circuits cet été, plus précisément, faire de la vidéo avec l'équipe de Pôle Position. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Oui, ben en fait, c'était une première fois. Mettons que je l'ai su la veille, puis Philippe Brassard, le propriétaire de Pôle Position, m'arrive le matin, il me dit « Ah, Eliane, tu vas faire la vidéo. Tiens, le micro, vas-y, fais une entrevue. » Moi, qui n'avais jamais fait ça, je tiens le micro. Je suis comme, donc, disons que mes premières entrevues ont laissé un peu à désirer, mais plus je m'avance, plus la saison finit, je deviens un petit peu meilleure. Puis cet hiver, ben je pense que je vais prendre des cours pour bien avoir la notion de comment faire une entrevue, parce que mettons que c'est un peu plus stressant que ce que je pensais que ça allait être. Puis je pense que tu le sais très bien, Tania. Ouais, quand même. Beaucoup, là. Les premières entrevues sont toujours un petit peu stressantes. Et dis-moi, est-ce que de vivre du monde du sport automobile, c'est quelque chose que toi, tu veux dans le futur? Ah oui, à 100%. Je dis à tout le monde, c'est un peu stupide d'ailleurs ce que je dis, mais j'ai juste un plan. Mon plan A, c'est travailler dans le monde des courses. Peu importe, j'ai pas de plan B. Je veux pas travailler ailleurs que là. Bon, évidemment, le rêve de tout le monde, c'est de travailler en F1, le mien aussi. Mais peut-être que ça arrivera pas. Mais aller en DTM, en IndyCar, en NASCAR, ça me dérangerait pas. Mais je veux vivre de ça. Je veux faire ça de ma vie. Et Eliane, en terminant, pole position va être du côté du circuit Icare cette fin de semaine. Vous allez couvrir l'événement, mais dis-moi exactement, c'est quoi l'événement qui se passe du côté d'Icare cette fin de semaine? Alors, c'est le Sundown d'Icare et entre autres, il va y avoir la Formule 1600 qui vont disputer leur avant-dernière épreuve. Donc deux courses le samedi et le dimanche où tout pourrait se jouer d'ailleurs pour Jean-Philippe Jodoin qui est meneur au championnat en ce moment parce que j'ai entendu entre les branches que Didier Scranen ne serait pas présent car il marie sa fille en France. OK, quand même. Avec Didier Scranen, on sait jamais. Peut-être qu'il pourrait prendre l'avion entre les activités pour venir faire la course. Donc, je veux pas me prononcer à 100%, peut-être qu'il va nous surprendre puis être là. Puis aussi, il va y avoir la CTCC que eux vont avoir leur dernière épreuve, donc leur dernière course de l'année à Icare. Donc, ça va être une fin de semaine assez chargée puis excitante pour les deux séries. Eh bien, Eliane Gillin, merci d'avoir accepté l'invitation de nous parler au téléphone. Je sais que ça te mettait un petit peu nerveuse tout juste avant l'entrevue, mais t'as très bien fait ça. Merci Tania, puis merci encore pour toute la saison que tu nous as fait avec Tania, avec ton émission en piste là, c'était génial. Puis j'espère qu'on va te revoir la saison prochaine. Bien, merci beaucoup et on te souhaite la meilleure des chances avec le magazine Pole Position pour le restant de la saison. Merci beaucoup, bye Tania. Bye bye. Et nous en fait tout juste pour terminer cette belle émission. Tout presque. Il reste quelques instants encore avant de terminer l'émission, mais On va s'offrir une belle pièce musicale, en fait, qui est de Dragonette et qui est Let the Night Fall. Et au retour, on va discuter. Évidemment, on peut pas passer une émission de En Piste avec Tania Baudin sans discuter de NASCAR. Alors au retour, on va parler un petit peu de NASCAR et vous écoutez toujours l'émission En Piste avec Tania Baudin, la dernière de la saison de l'été au 89.1 FM. Sinking in the shallow end, sky chance, sun giving. et Dragonette avec la pièce Let the Night Fall au 89.1 FM. Vous écoutez toujours En Piste avec Tania Baudin. Il nous reste quelques minutes, alors aussi bien en profiter. Il nous reste exactement 3 minutes. C'est la dernière de la saison de l'été en temps normal. Je vous le répète, après ça, ça devient une chronique hebdomadaire dans l'émission du matin que je co-anime tous les matins de 7h30 en direct jusqu'à 9h30 avec le cher Mathieu Plante. Et la raison pour laquelle ça va être hebdomadaire, eh bien, Mathieu ne raffole pas des voitures de course automobile. Alors, tout simplement, non, mais je voudrais pas non plus vous casser les oreilles à tous les jours en parlant de course automobile. Alors, une chronique hebdomadaire fait bonne place dans notre émission du matin. Et puis, comme je le disais tout juste avant d'aller écouter l'extrait de Dragonette, Let the Night Fall, c'est qu'on peut pas passer une émission de En Piste avec Tania Baudin sans discuter évidemment de NASCAR Canadian Tire ou de NASCAR en général. Mais cette fois-ci, ça va être NASCAR Canadian Tire parce que la dernière épreuve de la saison 2015 est ce week-end au circuit de Kawarta. Et puis là, je dois vous dire, plusieurs personnes sont stressées présentement. Les points au championnat sont très serrés. Le meneur avec la 3e position sont à peut-être 8 points de différence entre la première et la 2e position. Il y a exactement 6 points de différence. Donc, entre Scott Stickley et Andrew Rangé, il y a seulement... il n'y a pas beaucoup de points, là. Faudrait pas un gros miracle pour voir un Québécois remporter le championnat canadien encore une fois. Et en fait, tout juste avant l'émission, j'écrivais à Andrew et je lui demandais « Est-ce que t'es un peu stressé pour ce week-end? C'est quoi les prédictions pour ce week-end de ton côté? » Et il me disait « Ben, je pense que ça va bien aller parce que l'auto a été bonne tout le long de la saison. Il dit, oui, je suis stressée un peu, on est proche du meneur au championnat. Il dit, mais j'ai confiance en l'auto, j'ai confiance en l'équipe, alors ça devrait bien se passer. Alors, on souhaite la meilleure des chances aux pilotes québécois qui se retrouvent dans le top 3 de la série NASCAR Canadian Tire. Il y a aussi mon cher acolyte de NASCAR on TSN, Todd Lewis, qui m'a gentiment fait ses prédictions pour ce week-end. Alors, je lui ai demandé, tout simplement, parce que lui, il va être du côté de Kawarta, je lui ai demandé, Todd, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, hein? C'est qui va monter sur le podium en fin de semaine? Qui va faire la pole? Et il m'a tout simplement dit, bien, je pense que DJ Kennington a de bonnes chances de faire la pole position cette fin de semaine. Il dit, je crois aussi que le top 3 sur le podium, eh bien, ça va être Kennington qui va gagner la course. Alors, on y va gros, là, du côté de Todd Lewis de TSN. Todd qui pense que DJ Kennington va terminer premier, Scott Stickley deuxième et Jason Hathaway troisième. Alors du côté de Todd, yeah, ça joue serré de ce côté-là aussi. On se rappelle, Jason Hathaway a gagné du côté de Mosport la dernière fois, la dernière course. Alors ça se pourrait qu'il vienne mêler les cartes en fin de saison comme ça au dernier circuit. Tout est possible.